travail, j'invente un jeu, j'invente un rap sans rotation ni article avantageux. La différence entre toi et moi, c'est que toi t'es pas chiche. J'ai drainé ton pistolet sans piston et sans tête d'affiche. Jamais manqué de toupet, pas besoin d'un buzz inventé de toute pièce. Je vais vous découper, tu t'approches un peu trop près et tu blesses, Pas besoin d'une armée de traite derrière moi, qui sait. Le gars qui aura ta peau est peut-être derrière toi, tu sais. J'ai juste attendu l'appui des mecs de mon Tika. Tiki, oh, on a toujours su, non, les mecs ne mentaient pas. En soirée, pas besoin de tasse, du lundi au jeudi. J'ai une femme qui a vu en moi la star que je suis aujourd'hui. Pour RMA, deux N, le roumain et l'âge Marc GD. On fait nos affaires en face, ça vend pas de CD. Futur proche, let's go again dans le rap, ça balle naf, pas mal. Je me suis fait tout seul comme tous les anciens de Paname. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Pour avancer dans nos thèses, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Pour avancer dans nos thèses, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Je veux du bif et du temps, les rats, je kiffe les descendre. 9-2 dans le style, dans le son, dans le cœur, sur ce rythme et sur ses battements. Je brille et je brille dans l'effort et je suis cool et en forme. J'ai crié, j'écris, c'est un sport et je me fous de vos normes. Mes textes, mes bulles, tout ça ne manque pas d'air. Parisien, fier, donc rien à foutre, si Ribéry signe au Bayern. Y'a pas d'Eldorado, que des pelles et des râteaux. Je me fous de tout, de vous, des pistons, bidons, des radios. On avance seul, oui seul, à des bruits comme sponsor. On avance seul, oui seul, car on compte sur personne. Tu veux du son bon G, même si tu sens le danger. Écoute le son, le fond, la forme, c'est ma façon de penser. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Pour avancer dans nos thèses, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Pour avancer dans nos thèses, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Toujours perché sur mon trône, pendant que les M6 clones, que le rap est stone, que les jaloux démissionnent, qu'à la rue nous plébiscite, et les bitches pompent ma shit. Le RARAP est triste et sur ses paroles je le quitte. Oh, je suis le king et tu dois le prendre comme ça. La vie c'est toi, je prends ce que j'ai à prendre, ne t'étonne pas. BS tout de bon, Tila Tila Da, Big Mike, RRMA de Zen. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Pour avancer dans nos thèses, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on a besoin de personne, on a besoin de personne. Pour avancer dans nos thèses, on a besoin de personne, on a besoin de personne.